Et le jour où il les appellera, il dira : Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés ?